Nouvelle 26, le langage des fleurs. Je conçois à la rigueur qu'un touriste ayant passé un siècle ou deux loin d'un pays ne soit pas autrement surpris de trouver à son retour des décombres et des ruines où il avait jadis contemplé de somptueux palais. Mais tel n'était pas mon cas. Après une absence de 5 ou 6 mois, je ne fus pas peu stupéfait de rencontrer, à l'un des endroits de la côte qui m'étaient les plus familiers, un manoir en pleine décrépitude, un vieux manoir féodal que j'étais bien sûr de ne pas avoir rencontré l'année dernière, ni là, ni ailleurs. Mon flair de détective m'amena à penser que ces ruines étaient factices et de date probablement récente. Le castel en question présentait d'ailleurs un aspect beaucoup plus ridicule que sinistre. Tout y sentait le toc à plein nez, créneaux ébréchés, tours démantelées, mâchicoulis à la manque, fenêtres ogivales masquées de barreaux dont l'épaisseur eût pu défier les plus puissants baromètres, c'était complètement idiot. Une petite enquête dans le pays me renseigna tout de suite sur l'histoire de cette néo-vieille construction et de son propriétaire. Ancien pédicure de la reine de Roumanie, le baron Lagourde, lequel est baron à peu près comme moi je suis archimandrite, avait acquis une immense fortune dans l'exercice de ses délicates fonctions. Car au risque de défriser certaines imaginations lyriques, je ne vous cacherai pas plus longtemps que Carmen Silva, à l'instar de vous et de moi, se trouve à la tête de plusieurs coraupiers, et la garde qui veille aux barrières du Louvre n'en défend pas les rênes. Le baron Lagourde, conservons-lui ce titre puisque ça a l'air de lui faire plaisir, est un gros homme commun, laid, vaniteux et bête comme ses pieds qui sont énormes. Sa femme, qu'il a ramenée de la Bulgarie occidentale, présente l'apparence d'une petite noiraude mal tenue, mais extraordinairement adultérine. Cette Bulgare de l'Ouest, ou Bulgare Saint-Lazare, comme on dit plus communément à Paris, trompe en effet son mari âgé continu, si j'ose m'exprimer ainsi, avec des cantonniers. Pourquoi des cantonniers, me direz-vous, plutôt que des facteurs ruraux ou des attachés d'ambassade? Mystère du cœur féminin. La baronne adorait les cantonniers et ne leur envoyait pas dire. Voilà pourquoi la route de Trouville à Honfleur fut si mal entretenue cet été quand eux l'étaient si bien. Le baron Lagourde s'est fixé l'année dernière dans le pays. Il avait acheté une propriété admirablement située d'où l'on découvrait un panorama superbe. À droite, la baie de la Seine, en face, la rade du Havre, à l'ouest, le large. Sans perdre un instant, l'expédicure royale aménagea sa nouvelle acquisition selon son esthétique et ses goûts féodaux. En un rien de temps, le manoir sortit de terre. Des ouvriers spéciaux lui donnèrent ce cachet d'antiquaille sans lequel il n'est rien de sérieusement féodal. Pour compléter l'illusion, de vrais squelettes chargés de chaînes furent gaiement jetés dans des culs de basse fosse. Le baron eût été le plus heureux des hommes en son simili Moyen-Âge sans l'entêtement du père Fabrice. Plus il insistait, plus le père Fabrice s'entêtait. On peut même dire, sans crainte d'être taxé d'exagération, que le père Fabrice s'ostinait. L'objet du débat était un prévoisin, pas très large mais très long, qui dominait la féodalité du baron et d'où l'on avait une vue plus superbe encore, un pré qui pouvait valoir dans les 600 francs bien payés. Lagourde en avait offert 1000 francs, puis 1100, et finalement, d'offre en offre, 2000 francs. « Ça vaut mieux que ça, monsieur le baron, ça vaut mieux que ça !» goguenardait le vieux Finot en branlant la tête. Mais cette somme de 2000 francs fut l'extrême limite des concessions et le baron ne parla plus de l'affaire. Un jour de cet été, le châtelain pédicure, grimpé sur l'une de ses tours, explorait l'horizon à l'aide d'une excellente jumelle Flammarion. Tout près de la côte, un yacht filait à petite vapeur. Sur le pont, des messieurs et des dames braquaient eux-mêmes des jumelles dans la direction du castel et semblaient en proie à d'homériques gaietés. Ils se passaient mutuellement les jumelles et se tordaient scandaleusement. Le baron Lagourde ne laissa pas que de se sentir légèrement froissé. Était-ce de son manoir que l'on riait ainsi? Le lendemain, à la même heure, le même yacht revint, accompagné cette fois de 2 bateaux de plaisance, dont les passagers manifestèrent, comme la veille, une bonne humeur débordante. Tous les jours qui suivirent, même jeu. Des flottilles entières vinrent, ralentissant l'allure dès que le castel était en vue. À bord, les passagers paraissaient goûter d'ineffables plaisirs. Les pêcheurs de Trouville, de Villerville, de Honfleur ne passaient plus sans se divertir bruyamment. Bref, tout le monde nautique de ces parages, depuis l'opulent et Frucy jusqu'à mon grabugeux ami Baudry dit la Rogne, s'amusa durant de longues semaines comme tout un asile de petites folles. Très inquiet, très vexé, très tourmenté, le baron résolut d'en avoir le cœur net et de se rendre compte par lui-même des causes de cette hilarité désobligeante. Un beau matin, il fréta un bateau et toute voile dehors, cingla vers l'endroit où les gens semblaient prendre tant de plaisir. Au bout d'un quart d'heure de navigation, son manoir lui apparut plus féodal que jamais et pas risible du tout. Qu'avait-il donc à cet ordre, tous ces imbéciles ? Horreur subite. Le baron n'en crut pas ses yeux. La colère, l'indignation et une foule d'autres sentiments féroces empourprèrent son visage. Il venait d'apercevoir... Était-ce possible ? Au-dessous de son manoir, et bien en vue, le pré du père Fabrice s'étalait au soleil comme un immense drapeau vert, un drapeau sur lequel on aurait tracé une inscription jaune, et dans cette inscription portaient ces mots effroyablement lisibles « Monsieur le baron Lagourde est cocu !» Le miracle était bien simple. Cette vieille fripouille de père Fabrice avait semé dans son pré ces petites fleurettes jaunes qu'on appelle boutons d'or en les disposant selon un arrangement graphique qui leur donnait cette outrageante et précise signification. Le père Fabrice avait fait de l'anthographie sur une vaste échelle. Le baron Lagourde restait là, dans le canot, hébété de stupeur et de honte devant la terrible phrase qui s'enlevait gaiement en jaune clair sur le vert sombre du pré. « Monsieur le baron Lagourde est cocu !»« Monsieur le baron Lagourde est cocu !» répétait-il, complètement abruti. Les rires des hommes qui l'accompagnaient le firent revenir à la réalité. « Ramenez-moi à terre !» commanda-t-il, du ton le plus féodal qu'il put trouver. Il alla tout droit chez le maire. « Monsieur le maire, je suis insulté de la plus grave façon sur le territoire de votre commune. C'est votre devoir de me faire respecter, et j'espère que vous n'y faillirez point. »« Insulté, monsieur le baron, et comment ?»« Un misérable, le père Fabrice a osé écrire sur son pré que j'étais cocu. » »« Comment cela, sur son pré ?»« Parfaitement, avec des fleurs jaunes. » Heureusement que le maire était depuis longtemps au courant de l'excellente plaisanterie du père Fabrice, car il n'aurait rien compris aux explications du baron. Tous deux se rendirent chez le diffamateur, qui les accueillit avec une bonne grâce étonnée. « Moi, monsieur le baron, moi, j'aurais osé écrire que monsieur le baron est cocu ?»« Ah, monsieur le baron me fait bien de la peine de me croire capable d'une pareille chose. »« Allons sur les lieux, » dit le maire. « Sur les lieux ?» On put voir de l'herbe verte et des fleurs jaunes arrangées d'une certaine façon, mais il était impossible, malgré la meilleure volonté du monde, de tirer un sens quelconque de cette disposition. On était trop près. Ce phénomène est analogue à celui qui fait que certaines mouches se promènent, des existences entières, sur des in quarto sans comprendre un traître mot aux textes les plus simples. « Monsieur le baron sait bien, » continua le père Fabrice, « que les fleurs sauvages, ça pousse un peu où ça veut, s'il fallait être responsable. »« Et vous, monsieur le maire ?» grommela le baron. « Êtes-vous de cet avis ?»« Mon Dieu, monsieur le maire, je veux bien croire que vous êtes insulté, puisque vous me le dites, mais... En tout cas, ce n'est pas sur le territoire de ma commune, puisque l'inscription n'y est pas lisible. Vous êtes insulté en mer. Plaignez-vous au ministre de la Marine ?» Le baron fit mieux que de se plaindre au ministère de la Marine, ce qui eût pu entraîner quelques longueurs. « Allons, vieille canaille, » dit-il au père Fabrice, « combien votre pré ?»« Monsieur le baron sait bien que je ne veux pas le vendre, mais puisque ça a l'air de faire plaisir à monsieur le baron, je lui laisserai à 10 000 francs. Et monsieur le baron peut se vanter de faire une bonne affaire, un pré où que les fleurs écrivent toutes seules. » Le soir même, l'essai d'anthographie du père Fabrice périssait sous la faux impitoyable du jardinier. « Maintenant, si j'ai un bon conseil à donner au baron Lagourde, qu'il n'essaye pas du même procédé pour faire une blague au père Fabrice l'année prochaine. » Le père Fabrice a pour l'opinion de ses concitoyens un mépris insondable.